explicite musique dans le mic. C'est pour les gangs, les bandes, les armes et les gants. Mais j'ai pas le temps, je veux juste un compte en banque et les gants. Certaines tasses disent putain, t'as pas la tatouage. Réponds que je touche pas aux tasses, cramé en boîte comme un tatouage. On veut tous être cotés comme une caisse à Bangkok. Mais trop d'MC fout la merde comme l'air de Bangkok. On veut tous banquer, la bande du gars nous manque. Donc beaucoup de mes frères sans raison braquent des banques. J'ai pas le bac, mec, j'ai pas visé la fac. Fuck l'état, ici du plan, ma place est dans les bacs. Tu vois bien que je suis trop déter. Si mon flow, je le déter. C'est pour laver les MC comme un champ déter. T'as pas carté le truc, la tech, ça va trop vite. Un peu rentré clair, mais ton flow est mort subite. MC, ton flow fait chier comme des heures de col en classe. Ton flow, je le classe et je le casse avec classe. 83, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. On n'a pas le vécu d'un Corleone. Mais la vie fait que les impacts de balles ici de Corleone. La vie est sale, trop de frères tombés sous le sol. Je viens du soleil, couleur noire et ça fout le seum. J'ai l'oreille gauche qui sonne, l'index me démange. Nique les decks à la facile gâchette qui démonte. Décidément ils veulent tous nous voir décédés. J'ai décidé de poser sur CD impunément. Trop de putes et d'actes impunis. La sanction est sur le but, petite pute, j'dépuce le chromie. Pas de compromis, j'te promets. Pète pas plus que ton cul, chiquem, ici on les connaît. De quoi tu parles? Pourquoi tu parles, man? Tu sais pas, t'es pas l'abri d'une balle ou d'une baffe, man. J'pars comme une balle, raï. Marc mon karma, mes gars n'ont pas l'attitude et l'humour de Pierre Palman. Passe pas de pomme, caresse pas dans le sens du poil. J'suis irritable, normal, le vécu est véritable. J'enfile les BPM, tant pis si les PDM. On veut du bif, on évite dans la fin de Tony M. Marre des paliers, j'veux brasser sous le palmier. On est des millions à vouloir mailler sans pailler. Fais pas le coq, c'est un pas de pull, pauvre con. Mon rap de fuck, te choque, chez moi t'as pas la cote, colon. Prends ta gueule, j'enfile le collant. Glock sur la tempe, c'est la compense, le temps est trop lent. Allez, troll, ta gueule, dawa, trop les crocs. Allez, troll, ta gueule, dawa, trop les crocs. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. 93, je suis mon fermeux. 94, 1900, Georges Creteux. Voyons ce qui s'en peut, qui s'y peut, en offrant un petit peu.